canards vont. Bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Et ouais, on chante déjà avant de démarrer dans l'émission. Bah ouais. C'est dingue. Mais tout le monde connaît ce morceau. Côté. Depeche Mode, Never Let Me Down Again sur l'album Music for the Masses qui sort en 1987. Et oui, ça ouvre l'émission des canards ce soir. Émission 259, c'est ça? C'est non, 290. 290, 290. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais plus. On approche des 300. Bientôt les 300, émission incroyable. 290, et donc, Depeche Mode pour ouvrir, pourquoi? Parce qu'ils sortent un nouvel album. Et une grande tournée s'ensuit. Mondial. Oui. Mondial. En tout cas, européenne, ça c'est sûr. Mais... ouais, ouais, mais ce sera mondial. Comme souvent. Oui, bah oui. Bah oui. Ouais. Le même jour, on apprenait et les Stones et Depeche Mode allaient sortir des disques et faire des tournées. C'est dingue. Mais ça se concrétise plus pour Depeche Mode, j'ai pas suivi. Hein. Bah, je sais juste qu'ils viennent en Belgique et que les places sont parties comme des petits pains. Et il en reste 71 pour ceux qui veulent aller. Par contre, ceux qui veulent venir en Belgique à Anvers, eh ben il faudra taxer les gars. C'est 152 euros la place. Mmh. Par contre, voilà, nouvelle. Et à mon avis, ça se fera pour nous en tout cas. Mmh. Même si moi je les ai déjà vus. Mmh. J'ai cette chance là. Ils viennent au stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq, ce qui est beaucoup plus près de chez nous. C'est et le moindre prix, bon voilà, ça reste quand même assez cher pour un concert. C'est 82 euros, mais c'est quand même là bientôt moitié prix que qu'au Sport Palais d'Anvers. Donc c'est ça. Si vous voulez, il y a encore des places en tout cas. Voilà. Bon, ça se remplit bien pour eux quoi. C'est normal. Quand même un groupe mythique. Absolument, absolument. Non, c'est normal. Bon, au programme ce soir. Album de la semaine. La review de Core & Co. Le fil rouge, toujours avec Monsieur David Bowie. On avance, on avance. Ouais, ouais, ouais. Il y aura une archive dans la deuxième partie d'émission, évidemment, deuxième heure. L'archive du jour, alors on va dire ça comme ça. D'accord. Et Books on the Radio. Et puis, il y a quelques nouveautés quand même. Et un vieux machin. Comme d'hab. Qui craque un petit peu, qui est digitalisé. Hein? Lèse-majesté, mais ça craque quand même, vous allez voir, ça craque quand même. Mais... dans le monde du digital, c'est quand même assez normal. T'es dingue, hein. T'es dingue. Tout ce qu'on fait pas maintenant. Mais bref, moi je trouve ça quand même... on nous ment, on nous spolie, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. On nous surveille, Big Brother. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine donc. Yes. On va partir aux États-Unis, au Texas et à Dallas plus exactement pour rencontrer le Donald groupe... Trump. Ah non, non, parce que. Et s'il chante, on est mal barré, je pense. Donc, peut-être non, qu'il chante. Hein. Non, non, mais je veux pas le savoir. Ah bon. Ça ira, merci. D'accord. Pour rencontrer le groupe True Widow. Ah. Oui. Ils viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Avolgir, Avolger. En fait, je ne sais pas comment ça se prononce. Avolgir. Ah, c'est avec deux V. Ça. Un truc comme ça, ouais. V-V-O-L-G-E-R-E. C'est ça, c'est voilà. Ça. Donc vous le prononcez comme vous voulez. À savoir que ça s'appelle le troisième album du groupe. Donc ils mettent du temps avant de sortir un album. C'est ça, prennent leur temps. Ils ont bien raison. Mais... groupe formé en 2007. Donc ça fera bientôt 10 ans. Ouais, trois albums en moins de 10 ans, ça va quoi. C'est un tous les 3 ans, plus ou moins. C'est correct, hein. C'est correct, travail oui. Bien fait. C'est ça. C'est ce qu'ils recherchent, je pense. Groupe qui s'est formé autour, en tout cas, de Dan Phillips, qui est le chanteur et guitariste du groupe, et qui est ancien membre d'un groupe qui s'appelait Slow Ride. Ah. Voilà. C'est pour les vieux, ça. Je m'en souviens. Et en tout cas, du batteur Timothy Starks, puisqu'en fait, ils se sont connus très jeunes. Et à la base, c'est Dan Phillips qui écrivait un petit peu dans son coin et qui a dit à son pote, ouais, ça te dirait pas de faire de la musique. Et pof. Si, si, super, génial, machin. Et donc, ils ont commencé un petit peu à regarder les compositions de Dan Phillips. Et ils se sont rendu compte qu'il manquait quelque chose là-dedans. Je te le donne en mille. Une basse. Voilà, tout à fait. Par exemple. Et c'est un de leurs potes en commun qui leur a dit « Ouais, faut que tu ailles voir cette petite là-bas. Je suis sûre qu'elle sera bien dans votre groupe. Cette petite s'appelle Nicole Estil et donc elle est la bassiste du groupe. » Voilà. Voilà comment se sont formés les Trou Widow qui, à la base, la musique, c'était vraiment juste pour s'amuser et pensaient vraiment pas en faire en tout cas un métier. Chanceux qu'ils sont. N'est-ce pas? Bah ouais, maintenant, ils font ce qu'ils aiment bien, c'est gay. Je pense. Non? Ça doit leur plaire. Ah bah ouais. Je présume en tout cas. Non, ça doit, pour eux. Ça doit être bien. Allez, premier extrait pour cet album à Volgir, Trou Widow, on va écouter Back Shredder. Thank you. Back Shredder, True Widow, extrait de l'album de la semaine, Vulgir. Pas toujours rire. Tu vas changer de titre à chaque fois, c'est ça? Dernier opus de True Widow, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Sorti au mois d'octobre. Tout récent. Ouais, tout récent. Premier album était sorti en 2008, c'était un album éponyme. Puis en 2011, ils vont signer chez le label Kemado. Mm-hmm. Et ils vont sortir un album avec un nom à rallonge. Mm-hmm. Alors. Prenez de quoi noter. As high as the highest heavens and from the center to the circumference of the earth. Voilà. Bande de petits guignols. Se sont amusés. Alors le pire là-dedans, c'est que tous les titres de l'album, c'est en deux mots ou en un mot. Hein. Dont un avec des petits traits, des petits trucs, ouais. Comme ça. Mais ouais, normal. C'est normal. Normal. Ouais, normal. Ouais. Deux ans plus tard, ils vont sortir Circumambulation. Mm-hmm. Encore un nom. Ils aiment bien les noms prononçables chez eux. C'est là qu'on a un petit peu découvert plus par tout chez nous. Tout à fait, puisqu'ils vont être signés chez Relapse Records. Voilà. Donc forcément, ça va aider. Un petit peu plus de com' comme ça. Ouais, légèrement. Et enfin, donc cette année, le fameux... Voilà. A-V-O-L-G-E-R-E. A-V-O-L-G-E-R. Ouais, à mon avis, ça se prononce comme ça, je pense. Ouais, probablement. On sait pas, en fait, mais... Non. On se dit probablement. Il y a des chances. Il y a des chances. Allez, deuxième extrait pour ce soir. Vie. De cet album. On va écouter encore un nom presque imprononçable. Entéogène. Bon. Mais c'est écrit bizarrement. True Widow. Thank you. 95 FM. Bon les gars, je dois vous dire quelque chose d'extraordinaire. Bonjour mes chers auditeurs. Quoi ? C'est la belle mélodie, hein ? Venez ! Pour moi, c'est pas la musique, quoi. Oui, j'ai l'oreille absolue. Why the permoso? I the call. Wait a team, wait a no morning. Hide a time away. Hide away the tears in me. peu de fraîcheur. Ouais. Dans cet été qui n'en finit pas, c'est vrai quoi. Bonne fraîcheur et bonne respiration pour le nouvel opus de Unicubic. On aime bien ici. Hein. Ouais, on aime bien. L'album s'appelle Maximum Axis, c'est sorti le 5 septembre dernier. Y a évidemment toujours cette recherche entre des sons très à l'est. Ouais. Et un espèce de rock très très européen, façon Arnaud, Rudy Trouvé, tout ça. Très belge en tout cas. Il y a c'est vraiment clair. Du son très belge dedans. Unicubic, donc, qui est un quintet maintenant. Pour rappel, c'est plein de membres de groupes, d'autres groupes qui se sont mis ensemble pour faire de la musique. Comme c'est souvent le cas, notamment, on retrouve un certain. Trauma, évidemment, Fucking Canaries, Maria Goretti Quartet, Spaghetti Orgasmont et tout ça, il est là-dedans, évidemment, c'est un petit peu la petite vedette. Hein. Entre Lille et Tournée. Voilà, entre Lille et Tournée. Son cœur balance. À la basse, on retrouve au cuivre un nouveau venu, Max, qui fait partie aussi du groupe Kermesse à l'Est. Ouais. Et l'autre partie cuivre, c'est toujours assuré par JB de Louis Minus 16. On retrouve à la batterie Tom, ex-batteur d'Adolina. Oui. Et Seb, ex-membre de Kofi à la guitare. Voilà, donc c'est plein de gens qui ont plein de lettres et plein de bonnes choses en main pour faire de la bonne musique. Et ils ont tout mélangé. Et franchement, il y a du Tom Waits dedans, il y a du Zappa un petit peu, mais c'est pas trop à prendre la tête. Il y a des trucs plus rêches, voire même... Des rythmes un peu plus funky sur ouais, les bords. Ouais, plus funk. Et puis ouais. Dans cet album-là, il y a même des traits carrément punk, quoi, voilà. Donc c'est très très riche, évidemment. Bonne plaque que je vous conseille vivement. 11€ le vinyle, c'est quand même pas cher. Pas du tout. Et ça c'est sort... la moitié moins d'un vinyle normal. Bah c'est ça, et ça sort sur une kyrielle de labels, hein, comme toujours, hein, Tandoori Records, Calamity, Rockreel, etc., etc. Bref, plein de gens qui se sont associés pour une fort bonne chose. Maximum Assise, Unique, Ubique. On en reparlera, évidemment. Il y a des chances. Allez, fil rouge, avec Monsieur David Bowie, on termine la saga berlinoise. Oh. Il faut bien avancer à un moment donné, sinon on n'aura jamais terminé. le dernier de la trilogie, donc, c'est Lodger, qui était sorti en 1979, qui a été enregistré entre New York et la Suisse, donc pas vraiment en Berlin. Voilà, c'est juste parce qu'il habitait à Berlin. C'est tout. On retrouve toujours Monsieur Brian Eno derrière. Forcément. Et l'album va prendre un petit tournant quand même, puisque on va sortir un petit peu du des trucs un peu bizarres, en tout cas de Low et de Heroes. Voilà, et on va rester un peu dans la pop. Et c'est revenir ça. Un peu dans la pop. C'est ça. Avec un chouïa New Wave et de World Music. On va retrouver en tout cas sur cet album Move On par exemple, qui va utiliser une partie de son fameux titre All the Young Dudes. Voilà, qui n'était pas obligé, mais bon, après. Voilà. Il a quand même donné un mot de Paul, donc c'est bon. C'est vrai. C'est vrai. C'est il vrai. A fait, mais il a donné. Donc c'est bon. Il s'est dit finalement. Tiens. Tu peux l'avoir. C'est pas d'aise. Prends. C'est pourri. Fais-toi plaisir. On retrouve également Sister Midnight, qui est un morceau qu'il avait composé à la base avec Iggy Pop. Ou encore Red Money. Mais les morceaux qui vont en tout cas bien marcher sur cet album, c'est Boys Keep Swinging et DJ. Et Assassin, non ? Il n'y a pas de Assassin, c'est pas sur celui-là. Je ne sais plus, écoute, voilà quoi. Alors le concept de l'album, ben voilà, c'est encore un personnage. Parce qu'il aime bien s'inventer des personnages. Lodger, qui est en fait une sorte de SDF, qui sent victime en tout cas de la pression de la vie, des pressions de la vie et de la technologie. Grave quand même, lui. Hein. Quand même. C'est quand même grave, quoi. Je pense qu'il voyait les choses avant tout le monde, souvent. Et c'est également 1980, le temps de son divorce avec Angela, qui fera un petit peu beaucoup de bruit et qui aura un petit peu beaucoup de problèmes avec elle, en tout cas. Angie Bowie. Voilà. Angie, la fameuse chanson des Rolling Stones. Angie. Voilà. Angie. Voilà, qui avait été composée pour elle. Si. Bah si, c'est ce que je dis. C'est sympathique hein, quand même. Fait des chansons. Pour la femme d'un autre. Bah, c'est pas mal. Bah écoute. De toute façon, il est divorcé après. T'as quand même pas faire ta jalouse, allez. Moi, je trouve que. Allez, c'est bon procédé quand même, non? Entre amis musiciens. D'accord. Après, on s'étonne qu'il divorce, sérieusement. Allez, extrait de cet album, on va partir dans le côté un peu plus world music. Mm-hmm. En tout cas, on va écouter African Night Flight. Too far. Went on and went for rent, a sorry wonder how the dollar went down. Gotta get a word to Elizabeth's father. Hey, oh, he wished me well. Seems like an everyday I could fly into the eye of God on high. His burning eye will see me through. One of these days, gotta get a word to one of these days. His burning eye will see me through. One of these days, gotta get a word to one of these days. My luck of fried like a mad thing, gastric takeoff, skimming of a rhino, born in slumberless, then he struggle with a child who's screaming, dreaming, drowned by the prompt, so steely, stunch, I'm sick of you, sick of me, lust for the feel, I've crushed and lame, like a valuable loved one left unnamed. Seems like another day I could fly into the eye of God on high. Seems like another day I could fly into the eye of God on high. Over the bushland, over the trees, wise like a orangutan, that was me. It's burning, I will see me through. One of these days, one of these days, gotta get one through one of these days. It's burning, I will see me through. One of these days, one of these days, gotta get one through one of these days. Un petit peu news et musique brillante et agitée, évidemment, toujours en partenariat avec Corinco Webzine, où on vous repasse un petit peu en revue la semaine. ce qui s'est dit, oui. Ce qui se fait, oui. Et ce qui est annoncé. D'accord. Ça, c'est un peu le principe. Sur fond de motorhead, évidemment, on a fait un choix comme ça. Tu as fait un choix comme juste ça. Juste pour l'EMI. Ben ouais. Mais ouais, en hommage. Au moins jusque janvier, février, l'année prochaine, on verra bien après. Addix, si ça vous dit rien, Addix, c'est un groupe français de la région de l'Oise qui existe depuis 1981 et qui revient avec un album et un label. Le label s'appelle Ultime Records. Ils vont sortir leur album qui s'appelle Non Serviam en double vinyle. Avec des titres, des titres bonus, etc. Ils prévoient déjà une version box pour 2017. Attention, c'est du solide. Hein. Ils sont venus en parler ici, chez Rock the Nation. Ouais. Il me semble bien. Et ils ont peut-être même fait un petit phoneur avec Rive d'Enfer. C'est bien possible. Genre, ça communique. Et ils seront tournés à partir de la semaine prochaine, voilà. 22 octobre à Caen. Il y a un festival qui s'appelle le Conquérant Metal Festival. Il y aura Lot Blast Killers ou encore Drakkar qui sont venus jouer ici. Ouais. Le 28 octobre, ils seront à Saint-Guilain, en Belgique. Ben oui. C'est pas loin de Mons. C'est pas loin. Hein. Le 29 octobre, ils seront à la route de tournée. Alors, je pense que c'est au Red Studio, voilà, avec Vulcain, Drakkar et Stratagem. Le 30 octobre, ils seront à Magny-les-Eaux, dans 78. Et puis encore un festival avec Manigance, Drakkar et Fire Force. Ça sera le 4 novembre pour Calais. Donc ça s'annonce plutôt très solide pour eux, ADX, qui reviennent. Voilà, vieux groupe comme ça qui, bah ouais. Qui se dit tiens, on faisait du trash à l'époque, tout le monde s'en foutait, maintenant ça a l'air de marcher. On va refaire du trash. En gros, c'est ça. Sauf que nous, on a un petit peu le métier derrière, quoi. C'est ça. Red Fang qui va sortir un prochain album qui s'appelle. Il est sorti. Oui, oui. Il s'appelle Hound Ghosts. Voilà. Et puis, il y avait un titre qu'on écoute qui s'appelle Cut It Short, qui est excellent. Et il y a alors une vidéo fantastique de Red Fang où ils sont un peu façon Predator, comme ça. Contre Predator, c'est très, très. J'en ai un avec. Très, très drôle. Voilà. Alors, on poursuit avec Iron Dissonance qui a sorti un morceau qui s'appelle Perpetually Doomed. Yeah! Et le nouvel album, bien, ouais. Nouvel album pour titre Cast the First Stone. Ça sortira le 18 novembre prochain. Corneux n'en finit plus de mettre des petits morceaux en ligne et en. En vidéo. Et c'est plaisir. De temps en temps, c'est avec Slipknot. De temps en temps, c'est juste Corne. Enfin voilà. Ils s'amusent. Ils ont bien raison. Union of Mind and Soul, c'est le titre annonciateur du nouvel album de Goat qui s'appelle Requiem. Oui. Voilà. Mais oui, oui, non, mais il est là, l'album, oui. Si, si, si. Si, je l'ai. Qui est sorti. Voilà. Oui. Allez, on poursuit avec Iron Bastards aussi, qui vient de mettre en ligne Fast and Dangerous, hein, qui est leur nouvel album. Album qui a une sortie physique qui est prévue le 9 décembre prochain. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'annonces dans pour faire Warning aussi, pour Ken Mode, pour plein de gens. Voilà, oui, je vous invite. Ouais, c'est ça, j'essaie de retenir notre attention. Et puis ce qui a retenu vraiment l'attention, c'est l'annonce évidemment au milieu de semaine que le Hellfest était sold out pour l'an prochain. Déjà. Ça a été annoncé, je dis pas de bêtises, je vais bien retrouver ça, ça a été annoncé samedi 15 octobre et le 15 octobre 2016, on apprend qu'à Festoche est sold out pour juin 2017, il n'y a pas un nom qui a circulé. Je prends quand même le temps de lire ça parce que c'est intéressant, un communiqué de presse de Barbeau. L'édition 2017 du Hellfest sera pleine de monde et au complet. Sold out pour la quatrième année consécutive, le festival se déroulera à guichet fermé. Encore une fois, vous avez pulvérisé nos prévisions les plus folles et nous pouvons que vous remercier encore une fois de la confiance que vous nous accordez. Nous avons bien conscience que cette course au ticket n'est pas simple à gérer pour tout le monde et nous excusons encore une fois pour tous les fans qui malheureusement n'ont pas pu trouver leur précieux sésame. Il est malheureusement devenu impossible pour nous de contenter tout le monde au vu de la demande. Cependant, nous invitons les potentiels déçus à scruter le site de revente ZePass, Z-E-P-A-S, qui est le seul site qui va fournir de la revente de tickets, voilà. Et mettre une attention évidemment sur tous les autres sites qui sont plutôt malhonnêtes, ça c'est plutôt bien vu. Dorénavant, c'est à nous de vous prouver que nous méritons votre confiance en vous concoctant une belle programmation. Et c'est intéressant là. Hein. Dorénavant, c'est à nous de vous prouver que nous méritons votre confiance en vous concoctant une belle programmation. Les mecs, ils vendent du rêve. On s'entend bien. C'est sold out 10 mois avant et les mecs vont maintenant gratter. Faut pas gratter trop, on n'est pas non plus. Voilà. Mais ils vont devoir aller faire des efforts maintenant pour aller chercher évidemment des noms, bien sûr. Et ça se bouscule vu qu'il y a beaucoup de monde au mois de juin qui organise ces festivals. Bref, en préparant au mieux votre venue avec les soucis, avec des tas de surprises, que seule notre équipe, blablabli, blablabla, c'est vous contacter. Non, mais la suite est bien sympa. Alors, nous vous savons chanceux et fiers d'avoir fidélisé autant de personnes autour d'un projet né dans une chambre d'adolescents. Nous ne saurons vous encourager à continuer d'être curieux et donc de soutenir toutes les initiatives associatives et indépendantes, Motorcutter, Extreme Festival, Nancy Under Rock, Ragnar Rock, Remfest, Rock Your Brain, etc., etc. La liste est trop longue, ils méritent tous autant que nous d'être soutenus, car ces événements respirent la passion, l'engagement, de vrais événements faits par des fans pour des fans. Encore merci à vous, see you in hell, Burn, Clisson, Burn. Voilà le message officiel pour le Hellfest. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de com derrière et beaucoup de débats sur évidemment la place de la musique dans tout ça, parce que effectivement le festival c'est un endroit où on se rassemble pour faire la fête, ouais. C'est pas un problème, mais enfin partir sur l'idée qu'à partir de rien, même pas un nom, on fait sold out, moi je trouve ça, enfin voilà. Après, c'est peut-être. Ouais, une... mais d'un autre côté, est-ce que les organisateurs ne se disent pas, bah voilà, cette année, comment ça va marcher ? Ouais. Je vais voir combien de tickets on va vendre avant d'inviter. Et de voir le budget que j'ai avant d'inviter les. Est-ce qu'on a assez de thunes pour Metallica cette année ou bien on doit encore attendre l'année prochaine ? C'est vraiment. C'est que ça. J'ai Metallica, il y a deux gros groupes à faire tourner, dont Metallica, évidemment. Et je me dis, enfin. Moi, ça m'interroge en tout cas. Moi ça me dérange pas perso, parce que je comprends très bien les organisateurs, parce que c'est difficile, enfin voilà, et le monde musical, c'est la jungle, c'est le la monde jungle. Musical en ce moment, c'est la jungle. Alors est-ce que je vais les rejeter à pierre? Non, je pense pas, quoi. Non, c'est pas du tout. Les gens, ils achètent leurs tickets sans savoir ce qu'ils ont, mais d'un autre côté, le Hellfest, voilà. Tous les ans, tu sais que t'auras une affiche de taré pour les métalleux. Et pas que les métalleux. Ouais. D'ailleurs, donc... Bon, voilà, je pense qu'on pourrait en discuter. On pourrait peut-être même en discuter avec, pourquoi pas, je sais qu'il y a notamment Riff d'Enfer qui va de temps en temps là-bas. On pourrait peut-être une fois lui demander un avis, voilà, il connaît de l'intérieur, il a fait des interviews là-bas et tout ça, donc on pourrait demander une fois à Scream un peu son avis. Moi, en tout cas, ça m'a... Je trouve ça bizarre aussi parce que c'est le seul festival qui fait ça. Bah sinon tu t'abonnes, quoi. Bonjour, je voudrais m'abonner pour les 5 prochaines années au Hellfest. Comme ça je suis sûr d'avoir ma place, peu importe ce que tu fais, quoi. Et donc tu vas consommer comme si tu faisais un abonnement au cinéma, quoi. Sans savoir quel film sort, mais t'as des places réduites. Enfin bref. Bon. Passons. C'était le vrai truc à discuter cette semaine. Ça discute, et ça discute évidemment entre membres de la rédac de Korenko, principalement. C'est pas fini la discussion. Mais voilà, bon, Suicidal Tendencies, World Gone Mad, on vous en parle évidemment, ça sort chez Suicidal Records, c'était chroniqué cette semaine. Il y a un effet de style qui est super bien fait, c'est Chrome Crash qui s'y est mis. Une phrase qui commence par un T, une par un S, une autre qui commence par un T, ainsi de suite. S-T, et c'est comme ça tout au long de la chronique, c'est évidemment super bien foutu. L'album se prend un 8 sur 10 dans la gueule, et c'est plus que mérité, parce que c'est une bonne plaque cette année. Qui parle évidemment aux vieux et aux nostalgiques, mais bon, on se refait pas, mais c'est quand même une très bonne plaque. World Gone Mad, et on va donc écouter la plage éponyme, World Gone Mad, Suicidal Tendencies. ST. The whole world's going insane. The lies you pose get unfriendly. The emotions that hurt the most, we're all lost and so evident. We're like a waste book, it's all relevant. Apathetic, fake reality. Just make me one of those smacks that didn't take me. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. RQC. Amigos de Santana, con cimas que ves a decir, me sacas el lindo, caldino, caldudo, la bonita y velada, así. Una más que la de Casona, que es el lindo. Smiling faces, sometimes pretend to be your friend. Smiling faces, show no traces of the evil that lurks within. Smiling faces, sometimes they don't tell the truth. Smiling faces, tell lies, and I got proof. Look at here, the truth is in the Allez, les petits morceaux groovy du soir. On est avec Rare Earth. Get ready. Non, get ready, ça dure 4 plombes. Mais ouais, il y a plein de chansons qui durent 4 plombes avec eux. Si. Là, c'était une reprise. Smiling Faces Sometimes. Allez. Reprise des Undisputed Truth. Et pour Rare Earth, c'était sorti en 1973. Bon. Bah oui. Écoute, c'était bien. Bien comme ça. Quoi. Ah ça. Tu me bouges la tête un petit peu? Non, bah, c'est fait pour. Ouais, non, c'est bien. C'est bien. Ça fait du bien. Ouais, si. C'est vraiment des bonnes choses. Où naviguent les ondes libres? RQC 95 FM. Le seul compromis, la bonne musique. RQC. De la radio à gogo. One line. The paper. Sound. Books on the radio. Allez, Books on the radio, on va retourner un peu aux États-Unis. Avec le bouquin Cheveux d'ange d'Alafair Burke. S'il vous plaît. Qui est la fille en fait de James Lee Burke, qui est également auteur de romans policiers aux États-Unis. Ah, on reste en famille alors. Ça reste en famille. l'affaire Burke, pour la petite histoire, était adjointe au procureur à Portland. Ça aide pour écrire des bouquins, ce qui paraît. Mon avis, ouais. Ouais, je pense aussi. Et maintenant, elle est prof de droit, voilà. Ah bah à ouais. New York. Carrément. Ouais. Oui, c'est son deuxième roman qui est paru en tout cas en français. Le premier roman était Jamais vu. Que je n'ai jamais vu. Bon ben voilà, et jamais lu du coup. Forcément. Forcément. Alors, Cheveux d'ange, c'est quoi? C'est l'histoire du Chelsea Hart. Et ils sont en plein ce qu'on appelle des Spring Day. Voilà, pour les étudiants des États-Unis. Et elle et ses deux amis vont se retrouver à New York. Et c'est leur dernière soirée là-bas. Et donc, ils sortent forcément en boîte. Voilà. Bah, on va aller faire la fête. Bah oui, on va aller faire avant la fête. Avant les vacances. C'est deux amis qui partent, qui doivent partir très tôt le lendemain pour attraper leur avion, décident de partir plus tôt et laissent Chelsea dans la boîte, et forcément, vous en doutez, son corps est retrouvé le lendemain matin par des joggeurs. Et bam. Avec la chevelure tailladée. Sympa. Sympa. Hein. Sympa. Et qui passait par là à ce moment-là, voilà, c'est une autre policière, Ellie, voilà, qui est qui est détective au NYPD. Yeah. NYPD. NYPD. Yeah. New York Police District. Voilà, c'est en ça. Français. Ouais, si. Bah oui, c'est ça. Ça. Et donc, vu que c'est le premier inspecteur à tomber sur la scène, c'est elle qui va prendre l'affaire en main. Alors, la première personne qui sera dans son collimateur, c'est Jack Myers, qui est un jeune homme riche et insolent, qui est le dernier à avoir vu Chelsea Hart en vie, et qui avait un petit peu flirté avec elle pendant la soirée, pendant la nuit. Pas de mal à tirer du bien. C'est ça. En gros, c'est ça. Ils étaient un petit peu sous l'influence de la drogue, donc tout pense à croire que c'est lui. Si bien tout pense à croire. Jusqu'à ce que Ellie reçoive le coup de téléphone d'un père dont la fille est décédée quelques années auparavant, également avec la chevelure tailladée. Tiens donc. Donc bizarre, bizarre. Et... Et donc elle va enquêter sur... elle va chercher dans les archives d'autres meurtres qui auraient un lien entre eux, en tout cas. Puisqu'elle se dit, si on a eu deux... Il y a peut-être autre chose. Voilà. Bon. Mmh. Donc on a un duo de femmes aux commandes. On a une femme. Ouais. Elia Tcher. Mmh. On a son coéquipier. Mmh. Qui est un peu plus... qui est... un petit peu le black dans Esprit Criminel, voilà. Beau gosse, bien habillé, voilà. Chez Marmour. C'est ça, ouais. Un petit peu ça. C'est très, très cliché, quoi. Elle, c'est une blonde américaine, super jolie, et voilà, c'est le duo de choc. Et donc, elle est arrivée un petit peu à la criminelle, pas par piston, mais tout le monde croit que c'est un peu par piston et grâce à son physique. Et donc quand elle est un peu toute nouvelle dans la brigade, et, il fallait lui trouver un coéquipier. Mm-hmm. Personne ne voulait son coéquipier, forcément, nouvelle. La bleue, mm-hmm. on appelle. Et donc c'est son coéquipier qui va la prendre sous son aile, puisque étant black... Quel galant homme. Et étant toujours bien habillé, avoir des trucs de luxe, mince. Ses autres amis lui se posent des questions aussi, à savoir comment il a autant d'argent. D'accord. Donc lui, en fait, va la prendre sous son aile, et va devenir son coéquipier. Les deux canards boiteux. C'est ça, ouais, presque. Presque. Bonne sympathie avec les personnages, alors. Ouais, une sympathie avec les personnages, puis le personnage d'Elia Tcher qui est le personnage central voilà, du bouquin. On apprend plein de choses. Sur elle, par exemple, que son père était flic aussi, mais dans une petite ville du Texas, et qu'il a traqué un tueur en série également, mais qui s'est donné la mort par la suite, et donc pas de pension. Ah. Aux États-Unis, ça se passe comme ça. Mmh. Pour sa mère qui est partie en dépression et qui est décédée aussi. D'accord. Donc elle, avant, elle avait fait sa petite enquête parce qu'elle était certaine que son père ne s'était pas suicidé. Ok. Voilà, ouais. Allé très loin. Elia Tcher qui a un petit ami qui est journaliste, ce qui n'arrange pas les affaires. Ben non. Forcément. Forcément. Puisque lui va essayer d'avoir des infos, des confidences sur l'oreiller, comme on dit, n'est-ce pas? Et donc il y a un petit méli-mélo entre les journalistes, en tout cas, et la police. D'accord. Bon, premier, non, deuxième roman. Ouais. Niveau de l'écriture. Moyen. Ouais. C'est pas le bouquin haletant. D'accord. Voilà. Où tu te dis, tu finis un chapitre et tu veux absolument recommencer parce que tu aspires à voir la suite de l'histoire. Pas du tout. D'accord. Voilà. Donc, si les gens. Enfin, c'est vraiment pour des histoires un peu pas plates, je veux pas dire plates, mais où il n'y a pas de rebondissement. D'accord. On peut prendre le temps pour le lire. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Bon, et donc ces histoires de scalp là. Oui. On est face à forcément un tueur en série. Oui. Qui a d'autres caractéristiques ou bien... Le tueur en série, on n'en parle pas énormément. Mmh. Sauf qu'il change un petit peu sa façon de faire au fil du temps, on va dire ça comme ça. Mmh. Puisque la première qu'on pense qu'il a tué, en tout cas, il n'a pas coupé le scalp. En fait, cette fille l'a suivi, il l'a vu chez le coiffeur, en fait. Et il est rentré chez le coiffeur pour prendre ses cheveux. D'accord. Donc c'est un fétichiste, en fait, voilà. Bon. Tout ça. Ok. C'est un peu... Mais bon, ça arrive, je présume, en tout cas. Probablement. Probablement. Non, voilà, c'est pas le bouquin qui va vous tenir en haleine toute la nuit ou toute la soirée. Pas du tout. Si vous voulez une lecture plus tranquille. C'est ça. Où il n'y a pas de rebondissement. Où il n'y a pas vraiment... Où tu dis, putain, j'ai peur pour les personnages. Mmh. Non. Pas du tout. C'est plutôt une enquête très froide, on va dire. Voilà. D'accord. Bon, et pourquoi le choix? Pourquoi on en parle, ça? Parce que je l'ai lu. Ah ouais, c'est ça. Moi, je vous lis tous les bouquins. Je vous parle de tous les bouquins que j'ai lus. D'accord. Soit bon ou pas bon. Comme ça, vous savez ce que vous devez lire ou ne pas lire. Voilà, conseil consommateur. C'est ça, tout à fait. Donc, mais le prochain, prochain bouquin, en tout cas les deux prochains bouquins, sera plutôt des conseils lecture. Ah. Mais oui. Ok. Voilà. Bon, bon, bon. Voilà, donc Cheveux d'Anche à l'affaire Burke, c'était sorti en 2015. Allez, petit conseil consommateur, si vous voulez avoir une lecture un peu paisible de temps en temps. Voilà, parce que avec tous les bouquins des fois qu'on a et qui sont peut-être un peu trop. ça fait du bien de respirer. Voilà, c'est ça. En parlant de paisible, eux, ils ont été pendant une dizaine d'années. Ils avaient sorti un album en 2006 qui était assez conséquent, de martial arts pour les... je sais pas comment on les appelle, les Athénois peut-être. Enfin bref, ils habitent à Athènes en Géorgie, comme R.E.M. Le groupe s'appelle Cine Mechanica. Ils sortent un nouvel album 10 ans plus tard, album éponyme. On est dans un registre plutôt post-hardcore avec quelques incohérences matrock là-dedans. C'est très solide, c'est très bien joué. On a affaire à des gens bien dans leur sujet, la voix, enfin tout est en place. Ça le fait vraiment, et donc c'est plutôt une bonne surprise d'un groupe qu'on aurait pu croire comme ça, un peu éphémère. Pas du tout, ils ont simplement pris le temps. Ils ont bien raison. Aussi, entre voilà. Deux chapitres. Cine Mechanica, extrait de leur album éponyme, donc on va écouter Hang Up the Spurs. C'est parti. Rise the hillside. ensuite et fin de l'album de la semaine, toujours avec True Widow et leur album Avulji. On va garder ça comme ça. Je pense qu'on va le garder comme ça. On va le garder comme ça. True Widow qui n'a pas encore de date près de chez nous. Bon. Puisqu'ils entament une grosse tournée américaine. Ah, c'est une chose, on s'entend. Ouais. Notamment avec A Place to Bury Soon. Allez. Yeah. Bien. Hein, ça, bah écoute. Ça doit être sympa de les voir les deux. Je pense que tu passes une bonne soirée. Si, si. Ça peut le faire. Je pense aussi. Est-ce que les True Widow pourraient être les curateurs au prochain Sonic City de l'an prochain? On va le proposer. On verra bien. Puisque cette année, c'est Savages. Ouais. Qui, bon, enfin, l'affiche n'est pas top et c'est déjà plein. Donc. Ouais. Ça, pareil, hein. Syndrome Hellfest. Il y a eu 5 noms avant. C'était blinde avec 5 noms pourris. Bon, pas compris. Mais effectivement, l'ambiance, Sonic City, super quoi. Ouais, c'est ça. Nous sommes assez amateurs de Sonic City. Tout à fait. Mais bon. Ouais, l'affiche cette année, franchement. Enfin ouais. Bref. Voilà, passons. Allez, dernier extrait pour True Widow, qui, à mon avis, si ils sont curateurs, ont peut-être une meilleure affiche. J'espère. En tout cas, et leur album, à vous le dire, on va écouter le terminus de l'album. Le morceau s'appelle What Finds Me. We'll be right back. que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manche en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-selle. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Et encore... Allez, ok, je vous ai dit, bah tiens, je vais arrêter un peu dans les annifs, mais... Eh ben non. Il y a des annifs quand même. Le 8 octobre 1996, sortait le deuxième album de Marilyn Manson, Antichrist Superstar, et, qui n'est pas un album comme les autres dans la discographie du groupe, pour plein de raisons. Et tous les gens, parce que Marilyn Manson, on va commencer par ça, c'est quand même... typiquement le groupe qui se fait décrier et, et casser non-stop. Et les shows très moyens, parce qu'on voit des belles images tout le temps, mais évidemment, il fait des shows assez pourraves. Très moyens, ouais. Et donc forcément, ça donne pas envie. Mais en 96, le Sir Manson est au fait de sa gloire, ou presque, avec ce disque. Disque qui est particulier, c'est pour ça qu'on en parle ce soir dans une archive. C'est dans les rares disques où on va vraiment parler de concept, de construction. les gens ont peut-être oublié, mais il y a trois parties dans ce disque. Ça, j'avais oublié ça. Ça commence par The Hierophant, qui fait référence au tarot, à l'éducation, à la religion, ou l'inverse. Ça dépend dans le sens de la carte, évidemment. L'anarchie et le rejet des valeurs morales établies. Voilà. Plutôt comme ça, à mon avis. Et là, ça préfigure quatre titres. Ensuite, on a une deuxième partie qui s'appelle Inauguration of the Worm. C'est gros du paquet, c'est gros de l'album. C'est sept titres. Parce qu'il y a quand même en tout 17 titres hein, là-dessus. Ouais, c'est quand même un gros album. C'est un gros album. Et puis là, bah, c'est quelque chose de... On est vraiment dans le vif du sujet. Voilà. Concrètement, ça raconte l'histoire d'un gars qui était rien, nu comme un ver, pour reprendre l'image, le worm, évidemment. Ouais, ouais. Et qui, petit à petit, tout au long de ses titres, va rentrer dans le costume de rockstar. Marilyn Manson, quoi. Marilyn Manson, absolument. Et dernière partie, évidemment, Disintegrator Rising. C'est cinq titres plus un en face cachée qui reprend des The Sounds of Hate, des sons de haine, rien que ça. Et là, on est vraiment dans un petit peu dans la persécution, dans l'imagerie que Nietzsche a pu donner parfois des personnages aussi partis de rien, devenus grands, puis qui s'écrasent lamentablement, qui se vautrent, à cause évidemment des gens qui ont voulu que celui qui n'était rien devienne quelque chose. C'est ça la morale. Ouais. C'est la vie de Marilyn Manson. C'est la vie de Marilyn Manson absolument dans tout ce disque. Disque qui est controversé évidemment, disque qui nous apparaît nous sous la forme de deux films magnifiques signés Floria Sigismondi, qui est une artiste qui a un certain cachet et qui va clipper Beautiful People qu'on écoutait maintenant, un très beau clip, et qui va clipper par la suite Tourniquet aussi, très beau clip aussi. Il y a vraiment une richesse dans les images, ouais. Ça colle super bien évidemment à l'ambiance. Il y a plein de détails. Hein. Dans les sons, on entend des petits sons parasites qui pourraient faire penser à des craquements, des suintements, voire même à des insectes qui grouillent. Et dans les clips, on retrouve évidemment ces insectes qui grouillent. Et pourquoi ? Parce que dans la transformation de Manson, évidemment, il y a à un moment donné sa peau qui est poreuse où tout passe à travers. Voilà l'explication. Ça va chercher très très loin dans la conception de ce disque, autant dans l'image que dans la photo, que dans la zik évidemment. C'est donc vraiment, on peut le dire, un grand disque, en écriture en tout cas. Ouais, ouais. Musicalement, là, le bas blesse un petit peu, et donc il faut remettre un peu les choses dans le contexte, parce que effectivement, il y a toute la clique à Manson qui se trouve derrière. Hein, Tugi Ramirez à la basse, Daisy Bergovitz pour les guitares, ça sera la seule fois qu'il sera là, Ginger Fish pour la batterie, ou encore Madonna Wayne Gacy, moi j'adore les pseudos qu'ils ont pris, pour les claviers. Donc c'est un petit peu le dream band derrière Manson, mais il faut savoir qu'on retrouve surtout Rob Fink et Danny Lohner pour les parties guitare, tiens, guitariste de Nine Inch Nails, ouais, oui. Sean Bevan pour la protection, tiens, producteur et clavier chez Nine Inch Nails. Chris Vrena pour des parties batterie. Tiens, batteur chez Nine Inch Nails. Et donc l'album est produit par Nine Inch Nails. Très très snore, évidemment. Par Nine Inch Nails, c'est ce que je dis. Par Nine Inch Nails et Dave Ogilvie qui est rien que moins que le producteur et clavier chez Skinny Puppy. Waouh! Donc forcément, c'était difficile de faire un album mauvais. On peut dire ça comme ça. Dire les choses, puisqu'on a quand même des grands fers de lance qui sont là et qui s'habillent vraiment bien toute cette ambiance assez lugubre. Alors évidemment, si on retient que les singles et que les trucs qui ont bien cartonné, genre Tourniquet, genre Beautiful People, ou encore Antichrist Superstar, le titre éponyme, on n'a qu'une partie de l'idée de ce qu'est ce disque. C'est un disque qui s'écoute vraiment en une traite. Mm-hmm. Ça dure plus d'une heure. Hein. Et tu sais que je n'ai jamais écouté en entier. C'est vrai, à mon avis, comme la plupart des gens. Mais c'est un album pour bien comprendre. Parce qu'il y a des sons qui reviennent, il y a des parties de bouts de chansons qui reviennent dans d'autres chansons. Il y a des filtres, etc., sur les claviers qui ils font toute une trame tout au long du disque. On passe d'un univers à l'autre, de Hierophant à Disintegrator Rising, bah, dans ces parties-là, il y a évidemment des parties qui ont disparu, qui reviennent, qui rappellent des choses. Il y a vraiment une vraie construction. Mm-hmm. C'est un vrai album concept et c'est un gros album concept. Et alors, moi, ce que je retiens, c'est que c'est en 96. Il y a Tool qui a sorti Anima, qui est un vrai album concept. Il y a Smashing Pumpkins qui a sorti Melancholy and Funny Sadness, qui est un vrai album concept. Et il y a, par exemple, Skinny Puppy qui a sorti The Process, qui est un vrai album concept aussi. Donc, c'était l'année des albums concept. 96, ça devait être quelque chose. Musicalement, ce qu'on retient, évidemment, bah, c'est ces riffs de guitare, hein, ces cordes étouffées, ces trucs un petit peu néo-métal. Ouais, quand même. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pour la première partie du disque et pour les quatre premiers titres. Voilà. Après, on rentre vraiment dans l'indus. Mm-hmm. Et puis, on s'en va vers des choses vraiment violentes. Il y a une gradation dans la violence dans les titres. On n'y croit pas toujours. C'est pareil qu'au personnage de Manson, on n'y croit pas toujours. On se doute bien que c'est un bon garçon, un gentil gars. Et même quand il parle en interview, c'est un bon gars. On se doute bien que c'est un bon gars, mais rien à faire. Il y a tout ce déluge de malsains, de folie un petit peu. Mais de folie très organisée. Attention, on n'est pas dans les trucs légers. C'est ça. C'est très organisé qui va peupler tout ce disque. Antichrist Superstar qui est vraiment... Voilà, s'il vous faut un jour un disque de Manson, c'est pas obligatoire évidemment, mais s'il vous en faut un... C'est celui-là, mais ça... C'est celui-là. Logiquement, tout le monde le sait, j'espère quand même. 1996, on est dans la période plus liée à la destruction évidemment, Disintegrator Rising. Il y a Antichrist Superstar que tout le monde connaît bien sûr, avec ces espèces de... d'ambiance quasi militaire, hein, les clapements, etc. Grand orateur. Et puis c'est le titre qui est juste derrière, qui est aussi costaud, 1996, Marilyn Manson, Antichrist Superstar. C'était l'archive du jour. This is where your fate ends.

Eh ben dis-moi. Chose promise, chose due. On en a parlé tout à l'heure dans la Raw View. C'est vrai. Du Core & Co. Red Fang avec leur nouvel album Only Ghost. On écoutait The Smell of the Sound. Ça le fait. Ah ça. Il y a quelque chose. C'est du stoner rock pur et dur. Ah ouais, ouais, ouais, bien sorti, bien solide, bien. Bien tout quoi. Oui. Ils en sont très fiers de leur album d'ailleurs. Ah ben ils peuvent. Je pense. Franchement, belle sortie, belle réussite. Toujours chez Relapse évidemment. Bien sûr. Bon, pas de mal à se faire du bien, hein. Quand on est bien dans une bonne maison. C'est vrai, on ne bouge plus. On ne bouge plus, on ne bouge plus, on ne bouge plus. Allez, on s'en va chez un ovni. Oui. Hein ? Il y en a beaucoup, hein. Quand même. Ouais, chanteur qui s'appelle Gontard. Ou Gontard, c'est comme on veut. D'accord. Qui a sorti un album qui s'appelle Repeuplé. C'est toute une. Oui. Toute une imagerie évidemment, en 2016, mais nous on va se plonger sur 2015 avec son album précédent qui s'appelait Sauvagerie Tropicale. Ça sort chez le label La Souterraine évidemment, qui est une maison qui a pris l'habitude d'aller rechercher ou d'aller chercher des artistes non conventionnels évidemment, qui chantent principalement en français. On a affaire à un bonhomme qui fait tout, et plutôt de manière un peu rock, un peu sale, un peu avec plein de cambouis. Voilà. Extrait donc de Sauvagerie Tropicale, on va écouter Pétrodollar et c'est Gontard. C'est parti. Que j'oubliais les sources, un hasard qui ferait mal les choses. En fait, je vole par conviction. J'ai envie qu'on m'embarque, d'être attrapé par la patrouille. De toute manière, y'a que des balances. Y'en a qui pillent à longueur de souffle et qui déclarent toi la douane. Ils avancent casqués et la mèche au vent, des cyniques. Dans la vitrine de Noël, moi je tends juste la main. Je me sers au gré de mes envies et j'écris mon nom dessus et quelques autres petites conneries. Dans la pop, ils sont trop bien élevés, toujours scolarisés à plus de 30 balais. Moi je ricane bien haut et signe tout seul mon carnet de notes. J'ai pas écumé les galeries d'art, connais pas Gérard Jeannette et les œuvres qui s'en manchent les unes aux autres. Moi personne m'en manche, plus personne me parle de toute façon. Ni victime ni bourreau, si tu m'aimes tu restes, c'est ce que j'aurais fait à ta place. Au fait, ils sont où les singes qui déboulent de partout, les fracassent, tout ce qui bouge. Les auteurs pensent tous avoir la Suisse sur leur partition, mais c'est moi qui vois passer des pétrodollars. Je prends par ruse ce qui ne m'appartient pas, je kidnappe pour une soirée ou pour la vie. Je ravis, je ratiboise, je carotte, je maraude. Je vole à l'esbouffe alors que j'ai longtemps cru que je volais par omission. Alors que j'ai longtemps cru que je volais par omission. Canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous, RQC. We'll be right back. Ah ben, quelle ambiance. Quelle ambiance. Une petite nouveauté. Attends. Vas-y. Allez. Tu parles un peu, machin. Le groupe s'appelle Merchandise. Nouveau. Ah, voilà. Merci. Donc, le groupe s'appelle Merchandise. Mm-hmm. Le groupe nous vient de Tampa, en Floride. C'est leur deuxième album. Mm-hmm. Le premier album était sorti en 2012. Il y a une ambiance comme ça. L'album s'appelle Corpse Wired for Sound. Mm-hmm. Et on écoutait Shadow for the Truth. Il y a plein de trucs. Moi, ça me faisait penser à les albums solo de Peter Murphy, par exemple, ouais, quand il n'est pas avec Boss. C'est ça. Avec, dans des choses comme Paul Quinn et des Independent Group dans les années 90, tout ça. Dépêche Mode et tout. Ah ouais, bon. Peu... Ouais, gamin, quand même. Un petit peu. Non, c'est bien. Ah, ça. Non, c'est... Il y a quelque chose. Ouais, écoutez l'album, c'est le premier morceau que j'ai écouté, donc... Bon. On verra la suite. Allez, on va faire le petit décroche maintenant, mais on va remettre le contexte. Oui. Baby, on va se reporter en 1969, évidemment. C'est un document que vous allez entendre. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a ce document-là. Je ne doute pas un seul instant que la semaine prochaine, par exemple, dans l'émission de mercredi soir entre Chien et Loup avec l'ami Ezekiel, entre 20h30 et 23h, vous allez entendre parler de ce moment-là, parce que l'ami Ezekiel est sur la balle là-dessus, évidemment. Forcément. On s'en va en 1969, on s'en va pas très très loin. Ah non, ça c'est sûr. Du côté du Mont-de-l'Enclus à Amougy. Oui. Pour vous parler du festival actuel qui a eu lieu en 1969. C'était entre le 24 octobre et le 28 octobre 1969. Étant donné qu'on n'est pas là la semaine prochaine, nous on en cause déjà un petit peu maintenant, mais à mon avis on en parlera bien plus sur antenne à d'autres moments, comme par exemple dans Entre Chien et Loup, c'est fait. Hola Buster Hayes. Et puis, vous dire que c'est un festival qui n'aurait jamais dû avoir lieu, évidemment, qui a eu lieu. On remet vraiment très rapidement dans le contexte. Actuel est un magazine qui parle de pop culture. Il y a des festivals un petit peu partout, notamment l'île de Wight, notamment Woodstock et tout ça, fin des années 60. Pourquoi on ne ferait pas la même chose en France? La France a peur, déjà. Oh my god. Mon Dieu, ils sont sales, mon Dieu, ils sont mauvais, mon Dieu, ils sont nombreux. Ils font du bruit. ils fument des choses. Voilà, et donc, pas moyen pour les deux co-organisateurs, Jean-Georges Kakarakos et Jean-Luc Young de faire ça à Saint-Cloud, sauf que les groupes sont prêts à venir, sauf que tout est prêt, et donc on pense à un moment donné partir du côté de Charleroi, ouais. Paris, Charleroi, mais Charleroi ça se fait pas non plus, on coupe la poire en deux, plus ou moins, et boum, nous voilà à Amougy, au Mont-de-l'Enclus, 5500 m², une ferme, des champs, roulée jeunesse, dans tous les sens du terme évidemment. Et il faut savoir que pour cette édition de Amougy, du festival actuel, excusez, il y avait 3-4 groupes un petit peu intéressants. Comme par exemple, on est entre pop et free jazz, hein, c'est ouais, annoncé ouais. Comme ça. Archie Shep. Bon. The Nice, un peu moins connu. The Art Ensemble of Chicago. Bon. Ouais. Voilà. Soft Machine. Gong. Yes. Captain Beefheart. Frank Zappa et Pink Floyd. Mon Dieu. Hein ? Et quelle affiche. Et dans tout ça, les Martin Circus. Si, les Martin Circus, premier groupe avec Thierry Pastor, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça c'est un peu pour l'affiche. Ça se passe donc, je le disais, du vendredi 24 au mardi 28. Que dire encore sur ce festival ? Que un certain Frank Zappa s'est amusé à jouer avec plusieurs groupes. Voilà. Invité ou il s'invitait lui-même, il disait tiens moi je serais bien un petit bœuf, tiens je jouerais bien sur ce morceau là, etc. Il y a notamment une version assez incroyable d'Interstellar Overdrive de 27 minutes, quelque chose comme ça. Pink Floyd et Zappa sur scène, ça a dû faire quelque chose. C'est quand clair. Même pour ceux qui étaient, il a notamment participé au concert de Bossom Tous, un plus petit groupe, de Caravan, il y avait Caravan ouais, aussi qui ouais. était là. Il a joué avec Archie Shep, il a joué avec Captain Beefheart et donc avec Pink Floyd. Et il a joué avec Frank Zappa. Jusque-là, ça c'est normal, évidemment. Quasi aucun incident, quelques cas d'ivresse. Il y avait la police de Charleroi qui est venue prêter main forte. Renfort. Parce que bon, on est quand même dans un petit village, donc peut-être pas les moyens pour accueillir. Mais bref, tout s'est bien passé, sauf le dernier jour où les gens râlaient, voulaient rentrer sans payer. Bref, un peu comme partout dans tous les festivals. Que dire encore, qu'ils ont voulu 25 ans plus tard remettre le couvert, c'était en septembre 94, et là, bon, on va dire que le promoteur n'était pas très inspiré, il avait convié Joe Lemaire, Axel Red, Khaled, Arnaud et Boy George, forcément ça n'a pas fonctionné. Disons qu'il y a eu un peu moins de monde. On peut comprendre un peu pourquoi. Et puis, il y a des films évidemment, il y a un film qui a été fait, et il y a du son. Puisqu'on fait de la radio, il reste forcément quelques minutes. Il y a du son, et donc je vous ai ramené du son à Mougy 1969. Bonne chance pour retrouver ça, je pense qu'il y a bien voilà qui a retrouvé. Mais le Pink Floyd, l'intégralité du concert, est moins de trouver ça, c'est disponible. Il faut vraiment, vraiment prendre le temps de chercher. On va pas passer Interstellar Overdrive avec Zappa, pourtant ça vaut le coup, mais on n'a pas le temps. Mais donc on va s'attarder à Green is the Color à Mougy 1969 de Pink Floyd. Rien que ça, quoi que vous fassiez, faites-le bien, sortez couvert, soyez prudent, il y a donc 15 jours. Bonsoir. Bye bye. A song off the soundtrack of a film called More, and it's called Green is the Color. And the other thing is an instrumental we did some time ago, and it's called Careful with that Axe, Eugene. Sunshine and her.